Et voilà. Bon, le thème de la soirée, la loi de l'attraction. Évidemment, plusieurs d'entre vous ont déjà lu, pas écouté, mais peut-être écouté ce DVD aussi, mais lu le livre Le Secret, qui a été un gros best-seller, qui est finalement Linda Ronstadt, c'est une femme qui fait des séries télévisées en Australie, et puis qui a récupéré à peu près toutes les positive thinking de la planète, et puis qui a essayé de faire un livre avec les règles de fond, les règles de base qu'il y avait avec ça. Là, je pars ma conférence. Là, j'ai fait la toile de fond de ce qui se faisait. Là, je vais vous parler de ce qui se perçoit vu d'un point de vue de la conscience supramentale. La loi d'attraction, c'est le principe de fond, c'est qu'un être humain, c'est une espèce de nucléus qui aspire des énergies positives, négatives, pour permettre une concrétisation de quelque chose qui est lié à la pensée. OK? Donc, chaque être humain est un peu comme une espèce d'atome qui crée une attraction par rapport à des forces qui l'entourent, qui sont plus abstraites, qui sont plus... comment je pourrais expliquer ça? Plus... pas souterraines, là, parce que c'est pas terrien. C'est ces plans. C'est des énergies qui viennent des plans, qui ont besoin de se manifester dans des plans plus matériaux, plus physiques. Et puis, l'être humain, c'est comme une espèce de robot. Même les animaux, c'est des espèces de petits robots qui sont envoyés sur une structure, plan, énergie, qui permet une réalisation qui sont commandés par d'autres plans. C'est comme si nous autres, on est la réalisation concrète de choses plus abstraites. Bon, vous dire ça à travers ce que vous connaissez, ça serait comme tout ce que vous rêvez, c'est un planning d'intelligence qui, une fois que vous allez être éveillé, vous allez exécuter ça, pour vous faire ça simple, là. OK? Ça veut dire que tout est placé dans la matière à partir de plans subtils, et que c'est sur les plans subtils que se décide la destinée de ce qui est concret. Donc, c'est pas dans la matière qu'il y a des décisions, c'est sur des plans subtils que ça se décide et qui conséquemment s'exécute dans la forme. J'ai souvent dit à mes amis, quand on fait de la bourse, le plan, le système que vous utilisez, la confiance que vous avez dans votre mécanique, l'architecture dans laquelle vous convenez d'une prise de décision, c'est ça la décision. Quand vous arrivez sur le computer puis que vous pesez Enter, c'est de l'exécution. Quand vous êtes rendu à l'exécution, ça pense plus décision, ça pense exécution. Donc, c'est l'étude que vous faites de votre architecture qui est la décision. Bon, vous prenez des lois dans un pays, la décision de la loi, puis la police qui l'applique, on s'entend que c'est pas la police qui décide la loi, mais c'est elle qui l'exécute. Donc, conséquemment, ce qui se passe pour que la personne qui vous donne un ticket puisse vous dire « ça coûte 438$, ça n'a pas décidé ça de son propre chef ». Elle a décidé ça par rapport à une réglementation, puis elle fait simplement appliquer la réglementation. Fait que même si tu t'engueules avec la police, tu t'engueules finalement contre un système et donc une façon de penser. C'est bien important de comprendre cet aspect-là parce que la loi de l'attraction repose sur le fait que ce qui est attiré n'est pas de la matière, mais une vibration qui va faire de la matière une structure organisée. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Toute personne qui s'acharne à essayer de voir les vies en partie de la forme ne comprendra jamais d'où part les structures de base pour l'exécution de la forme. C'est très, très simple. J'étais avec Glenn. Glenn, il me parlait de Bernard. J'ai dit, il me demandait de me situer par rapport à Bernard. J'ai dit, Bernard, c'est un architecte. Il a énoncé des principes. Il a créé une architecture dans la lecture qu'on se fait du mental humain. Puis j'ai dit, moi, je suis le côté pratique, je suis le contracteur. Fait que lui, il a architecturé les lectures psychiques des choses là, par rapport au mental. Puis moi, quand je fais du développement avec les gens, ben je prends ces plans, puis je les contracte. Les contracte, pas dans le sens que je donne une contraction aux gens, là, mais je les contracte dans le sens que je les emmène à exécuter la lecture qui se sont faites du plan d'architecture. Si une personne a juste des plans chez eux, ben c'est pas évident que c'est pas chaud l'hiver. T'sais. Fait que faut t'abâtir ta maison, si t'abâtis pas, tu vas geler. Donc, c'est bien évident que tant que les gens sont philosophes, ben ils sont dans la lecture d'un catalogue plutôt que dans une évolution pratique ou une évolution qui est réellement manifestée. C'est pour ça que c'est bien important de comprendre que de bâtir une maison sans plan, c'est un tour de force que ça va faire un bon camp de bûcheron, mais je suis pas sûr que je vais faire une maison bien organisée, tu sais. Donc, la loi d'attraction, c'est d'être capable d'aller lire dans les plans architecturales et créer une mise en vibration qui va t'emmener jusqu'à descendre dans la recherche de contracter votre idée, votre pensée, votre mise en vibration, jusqu'à un niveau où la certitude de la réalisation va devenir un impact, c'est-à-dire va devenir la forme que vous voulez. Bon, c'est très facile à comprendre, c'est très difficile à appliquer, mais c'est très facile une fois que tu l'as fait une fois. OK? Donc, j'imagine que, je pense à mon Claude qui a bâti sa propre maison, il a commandé des modules, puis il a dit, bon, ben là, moi, je veux que ça se fasse de même, puis il a dit à des gens, toi, tu fais ça de même, toi, tu fais ça de même, toi, tu fais ça de même. Puis, en final, ben, il est parti d'une idée de faire une maison, il a été chercher un plan de maison, donc il a été chercher une pensée, il l'a vibré avant, il l'a pensé, donc il a structuré son affaire, il avait la certitude d'avoir toutes les ressources nécessaires pour que ça puisse se réaliser, puis éventuellement, quelques mois plus tard, ben, boum, ça s'est fait. Il a même pensé à avoir le moins de chum possible qui aille le voir chez eux. Il a mis une super de belle pente pour épuiser tous ceux qui sont cardiaques en potentiel avant de se rendre chez eux. Bon, ceci dit, comment ça marche? À la supramentale. Dans les livres, ils vous disent que vous avez simplement avoir besoin d'un désir ou d'une image, une pensée, ni plus ni moins, pour que ça commence là. Ça commence par vouloir attirer à soi une condition de vie quelconque ou une forme quelconque. Je vais le nuancer. Et c'est là que ça rentre en ligne de compte, l'affaire de... C'est pas nous autres qui pensent. Les forces ne sont pas contre les lois d'attraction, mais utilisent le principe de la loi d'attraction sur la base qu'ils vous font vibrer selon votre programmation. Vous avez une programmation astrale, vous avez une programmation d'âme, et dans votre programmation d'âme, vous avez des expériences à vivre. Et dans ces expériences, vous avez des tests avec l'expansion et vous avez des tests avec la contraction. J'utilise ces deux mots-là pour délivrer les gens de l'aspect moral du bien et du mal, du vrai et du faux. Parce que énergie de contraction, c'est souffrant, c'est difficile, c'est initiatique. Et énergie d'expansion, ça rend très spirituel, ça rend très gaga, ça rend un être très dilaté, donc possiblement non fonctionnel. Souvent, dans mon expérience avec Bernard, je remarquais des gens qui s'appauvrissaient dans conscience. S'appauvrissaient pour une raison bien simple. Ils étaient en expansion de conscience. Expansion dit force du bien, dit aussi force ou énergie qui fait lever. Un effet de dilatation. À un moment donné, on se rendait compte que ceux qui gardaient le pivot droit, donc qui étaient centrés, c'était ceux qui avaient des structures bien denses dans la vie ou qui avaient des maris ou des femmes qui n'avaient pas l'intérêt à aller dans les conférences, puis qui « groundaient », qui rendaient les choses terre à terre. Bon, qu'est-ce qui se passait? Il y en avait qui étaient en expansion de conscience, donc qui dilataient, puis ça dope, ça crée un effet de drogue douce, de dilatation du cerveau à comprendre, puis à toujours voir la vie avec une vision de perfection, une vision pratiquement idéaliste de ce que la vie devrait être dans un monde paradisiaque. Mais on vit pas au paradis, la terre c'est l'enfer. Et les gens négligent peut-être encore, les énergies de contraction, ce qui veut dire le travail, la volonté, la violence dans certains cas. Faut être dur dans la vie, si t'es pas dur dans la vie, mané, tu fais mal tout rond. Fait que les gens négligeant ça, ils ont négligé le mal. En négligeant le mal, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que les forces vous amènent des initiations pour vivre le mal, pour balancer l'expansion de l'intelligence. Donc, ils ont amené des initiations dans Zenor, ils ont amené des initiations dans Roche Sauvage, pour amener les gens et deux pieds sur la terre. Et ça, dans la vie courante d'un être qui n'est pas pris dans une démarche initiatique quasi volontaire, que Bernard appelait l'initiation solaire, ben, dans une situation normale, on vit ça au quotidien. le combat de tu te lèves le matin, faut que tu t'organises, faut que tu structures. Les femmes, faut qu'ils sortent de la prise en charge. Les hommes, faut qu'ils soient capables d'écouter leurs femmes, ne serait-ce que pour arriver à des terrains de dilatation pour se libérer de la grosse surcharge du karma du travail, qui est une énergie de contraction qui demande tout le temps du combat, du combat, du combat, du combat. Fait que on a ça, mais on y pense pas. Donc on le vit. On peut pas dire qu'on le subit, mais en étant inconscient, on crée pas d'excès de contraction ou d'excès de dilatation parce que on n'essaie pas de comprendre, on met pas l'intellect là-dedans là, qui cherche à toujours être juste dans le bien puis de fuir le mal, ces choses-là. Donc, on laisse faire la vie normalement. Mais dès qu'on est dans un processus de conscientisation, on veut juste le bien, on veut juste l'expansion de l'intelligence. Et ça marche pas. Vous aurez rien avec ça. Rien. Quand vous allez dire « je veux que telle chose se passe », faut pas que vous ayez juste une idée. Faut que vous ayez une volonté. De l'intelligence sans autorité, ça n'actualise rien. Il faut donc que l'individu, quand il veut quelque chose, qu'il ait l'autorité de sa propre science. Si vous avez trop de science dans le mental, puis vous n'avez pas assez d'autorité pour l'exécuter, vous êtes débalancé. Et vous pouvez être même très handicapé dans la société. Moi, de ce temps-là, je rencontre des gens que c'est pas du monde qui pense, c'est du monde qui veulent. J'ai passé quasiment tout mon hiver, mon printemps, mon été à côtoyer des gens qui sont toujours dans le « je veux faire, je veux ». Ils passent tout le temps le 90% de leurs énergies à rechercher de l'autorité, puis à rechercher une puissance pour appuyer leur autorité, puis à vouloir forcer les gens qui reconnaissent comme des ressources à s'associer avec eux autres pour toujours avoir de plus en plus d'autorité. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'une grosse idée, mais ils ont besoin de beaucoup, beaucoup d'autorité pour y donner une forme quelconque d'application. Tu sais, un disque là ou un MP3, là, une petite affaire là que ça fait juste un petit download de 2 minutes, là, OK? Tu bloques ça, c'est un amplificateur de 40 000 watts RMS. Là. T'as pas besoin de ben des tounes pour écœurer les voisins. Là. Une toune de même avec 40 000 watts RMS, surtout dans mon coin au lac Légaré, avec l'effet d'écho du lac, à 3 heures du matin, je ferai pas fuir juste les loups et les coyotes dans le coin. Là. Je vais faire fuir les voisins ou je vais avoir la police sur le dos. Ce qui veut dire que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup d'idées, mais ils n'ont pas nécessairement l'autorité de toutes leurs idées. Alors qu'il lui faudrait moins d'idées et beaucoup plus de willpower, tu sais, de vouloir faire les choses. Ce qui m'a amené à comprendre une chose, j'ai dit, comment ça se fait que Bernard, intelligent comme il était, il a réussi à faire 23 ans de développement de conscience quand c'est de l'expansion puis de la dilatation garantie? Premièrement, il était dictateur. Ça aide beaucoup. Ça donne beaucoup d'autorité. Deuxièmement, il a entraîné des gens à vouloir avec lui. Ça aussi, ça donne beaucoup d'autorité. Puis ensuite, il a laissé se créer des formes où il n'a pas été responsable, mais où il était l'élément essentiel pour que ça vibre collectivement dans de la forme. C'est encore beaucoup d'autorité, puissance. Mais qui dit autorité dit mal. L'autorité se développe dans le mal. L'autorité se développe quand tu vas faire des exercices chez Nautilus, ça fait mal. Le muscle, il pompe 20 fois, 25 fois, 30e fois, là, ouf, l'acide lactique, tout le kit, ça fait mal. Mais tu as des gros bras, tu es fort, parce que tu fais face au mal. Donc, Bernard disait aussi, pas de crise, pas de conscience. Conscience égale rapport avec la crise, rapport avec le mal. Il y a un combat, il y a une lutte à faire. Il n'y a pas simplement avoir le goût de, non. Il y a l'effort de le faire. Fait que ça m'a fait étudier son affaire depuis un mois, puis j'ai dit, oups, il n'y avait pas juste le savoir, est-ce que là? Il y avait le pouvoir de la parole, ça c'est le faire savoir. Puis, en plus, il y avait le savoir-faire. Puis savoir-faire, c'est la manipulation des forces du savoir dans l'application dans la matière. Puis au registre où lui, il est intelligent, il pouvait pas le faire tout seul. Il n'y a rien, je connais pas d'entreprise, moi, qui n'a pas au moins 50 personnes. 2, 3, c'est un bon, comment je dirais ça, c'est une bonne initiation de départ, mais c'est pas nécessairement un résultat à long terme. Toute chose qui doit s'implanter avec puissance ou avec force demande de l'huile à bras, c'est sûr, de l'exécution, mais ça demande aussi des gens qui veulent, dans le sens que tu ne garderas pas un employé qui fait juste penser, tu gardes un employé qui s'exécute. Donc, même le boss est obligé de s'exécuter. Fait que tout ce que vous faites pour que les choses se réalisent, ça demande de l'autorité. Et tant que vous n'avez pas d'autorité, vos idées n'ont pas d'impact. Mais ça peut aller chercher des gens qui ont de l'autorité, qui vont dire « Ah, ça, c'est une bonne idée. On va mettre de l'autorité dedans. » Mais ça veut dire que le penseur, celui qui a l'architecture, peut être simplement un ingrédient pour permettre à quelque chose de se faire. Pensez à un écrivain. Il écrit, il se voit comme étant le centre de l'univers à expliquer aux gens comment les choses fonctionnent. Bon, bien beau, là. Mais dans les faits, là, son chèque, c'est 10 %, 12 % du produit final. Fait qu'on vend, mettons, le livre 10 piastres, il va avoir, sur 10 piastres, il va avoir une pièce et demie max. On dit, s'il n'était pas là, le livre ne serait pas. Ouais, mais si l'organisation ne serait pas en arrière, ça ne se vendrait pas non plus. Pourquoi? Que juste une idée de livre et l'écriture du livre ne rapporte pas plus que ça. C'est parce qu'il faut une grosse puissance pour mettre à cheval le principe, l'idée, le concept et qui se véhicule à l'international. Pensez à n'importe quel artiste qui se met sur YouTube ou sur Internet. YouTube, c'est gros, là. C'est gros. Google, c'est gros. Puis vous avez besoin d'une grosse structure pour supporter des idées, parce que pas d'idées, la structure fait rien, mais des idées, c'est quand même facile à avoir, mais ça demande toujours des grosses structures qui accréditent. Bon, là, je reviens à l'individu. Là, je vous ai juste expliqué un petit peu comment ça marche, la business, OK? La loi d'attraction, c'est une mise en vibration. Je reprends encore mon exemple que je donne souvent. C'est une mise en vibration pour une éventuelle direction. Puis la mise en vibration, c'est de la poudre pour remplir les balles. Une balle, c'est une idée, une douille. Excusez, c'est pas la balle, c'est la douille. La douille, c'est une idée. Le plomb, c'est l'action que vous allez faire avec. Si, pour une raison quelconque, vous avez juste la douille, donc vous avez des bonnes idées, mais vous n'avez jamais de poudre pour les remplir, vous ne pouvez même pas tirer à blanc, faire peur à personne, parce qu'il n'y a rien qui va se passer. Vous allez clencher, puis pouf! Le marteau va taper sa balle, puis il se passe rien. Là, vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai bien de l'autorité, mais j'ai pas d'idée. Ça, c'est de la poudre qui est sur la table. Tu peux mettre le feu dedans, mais tape jamais qu'un marteau. Parce que ça va péter fort. Puis ça n'aura pas de direction. Fait que tu risques d'être chauve assez rapidement, parce que les cheveux, ça brûle vite. Donc, c'est certain que quand vous êtes mis en vibration par les forces, il faut qu'ils vous mettent de la poudre dans une douille, puis la meilleure douille pour eux autres, c'est le karma. Fait que vous avez un karma. Votre karma, c'est toute votre architecture de ce qui doit être vécu et de qu'est-ce qui doit être dirigé avec un impact X et une résultante X dans des échanges quelconques. Donc, on se retrouve avec le fait que les forces manipulent la loi d'attraction, volontairement ou involontairement. Toutes vos vies sont soumises, à des lois d'attraction conscientes dans certains cas, puis inconscientes dans d'autres. Et vous êtes toujours sous l'effet de la loi d'attraction quand vous avez un besoin et pas un désir. Quand vous avez un besoin, vous vibrez le besoin de remplir quelque chose. Il y a un manque dans votre être. Ce manque-là vibre. C'est-à-dire, le manque vous enclenche une mise en vibration pour remplir le manque. Plus vous avez d'autorité, plus rapidement vous allez remplir le manque. Parce que vous vibrez un besoin, et comme vous vibrez un besoin, les forces vous envoient les mises en vibration pour arriver à la réponse de votre besoin. Parce que karmiquement, vous avez besoin de remplir ce trou, ce vide, pour que, à la mort, vous ayez pu avoir à régler ça, c'est une autre vie. OK? Donc, les forces se servent de l'architecture de votre karma pour vous faire remplir des vides par des mises en vibration, et conséquemment, à cause de la vie dans laquelle vous allez vous promener, il y a des gens qui vont vous influencer, avoir des pensées, donc architecturer votre besoin pour qu'il y ait le maximum d'efficacité de la mise en vibration, pour que vous ayez un maximum de puissance et d'autorité pour remplir le besoin le plus rapidement possible. Elle va-tu jusque-là? Je ne vous parle pas trop. Qu'est-ce qui est la résultante? La résultante apparaît quand vous avez une certitude. Et quand est-ce que vous avez une certitude? C'est quand vous n'avez plus besoin de penser à l'architecture, vous avez juste à penser à l'exécution. Retenez-la, celle-là, là. Plus vous avez à penser à l'architecture, plus vous êtes dans la pensée, moins vous êtes dans l'exécution, moins vous avez d'autorité. Votre autorité apparaît ici, là, dans la certitude. Bon, je vous donne un exemple. Tu apprends à nager. Tant que tu apprends à nager, tu peux encore te noyer. Quand tu es sûr que tu sais nager, tu penses plus à apprendre à nager. Tu penses plus à faire face à différents tests que la mer, la piscine, le lac peut te présenter. Moi, je suis un excellent nageur de piscine. J'ai été lifeguard dans ma vie. Quand je suis arrivé devant un lac, il y avait de la vague d'un pied, deux pieds. Je trouvais ça plus difficile. Sans compter que j'avais une phobie, vous allez trouver ça drôle, j'avais une phobie de me faire pogner par un brochet sous l'eau. On parle plus de l'océan là, avec les requins, là, j'étais même pas mûr pour ça. Pourtant, j'étais un excellent nageur, mais j'avais pas l'autorité de faire face à la mer à cause des requins, puis de la vague. Moi, quand je vois un gars qui surfe une vague, là, tu sais, de, je sais pas, 25-30 pieds de haut, là, j'ai été lifeguard, mais pour les piscines. J'aurais pas été lifeguard pour aller chercher ce gars-là qui se fait taper à noix avec son skateboard sur la tête, là, ou sa planche, là. Fait que mon niveau de certitude, mon niveau d'autorité, plafonne dans la piscine, peut-être un petit peu dans un lac, mais la mer, c'est pas mon département. J'ai mon chum qui grimpe dans un arbre, lui, 100 pieds dans les airs, il n'y a pas de problème. Moi, 12 pieds, je commence déjà à avoir le shake. À 40 pieds, là, si je suis pas attaché à l'arbre, s'il m'a tombé, je vais avoir le vertige. J'ai pas la certitude. Mais 250 km, ça se fait, là, c'est un bicycle à gaz, ça, pas de problème. Je peux en prendre, même si j'aurais ma machine, elle pourrait monter à 350, je le ferais. Ça, à l'horizontale, les problèmes à l'horizontale, pas de tension. Problème à vertical, j'ai des grosses tensions. On n'a pas toute la certitude, selon le karma qu'on a, on n'a pas toute la certitude placée à la même place. Je veux juste vous faire comprendre que c'est pas parce que toi, tu le fais que les autres vont le faire, puis c'est pas parce qu'un autre le fait que tu vas être capable de le faire. Il y a des choses dans la vie, à cause justement de notre programmation, la vie nous fournit un environnement, il nous fournit les ressources, les appuis pour que les choses se fassent. L'autre personne, elle va faire des efforts équivalents, mais parce qu'elle n'a pas la même programmation, la dynamique ou la résultante n'est pas pareille. Je reviens à mon affaire de douille, de poudre et de plomb. Okay? Si les forces se servent d'une mise en vibration, ils servent de la poudre. Ils vous fournissent éventuellement des idées, donc une douille, pour mettre de la poudre dans la douille pour que ça ait une puissance d'impact dirigée. N'oubliez pas le mot « dirigé ». C'est pas aléatoire, c'est dirigé. Il faut que ça s'en aille en quelque part. Puis vous mettez un plomb qui est le point d'impact, ou un morceau de cuivre, ça dépend des balles. En général, c'est du plomb, mais il y a des places qui mettent du cuivre. Puis, ils vous mettent un bout qui va partir pour avoir un point d'impact. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la créativité ou la création de quelque chose. Par contre, c'est juste une douille. Tu tapes pas ça avec un marteau, ça va partir n'importe comment. Ils vous mettent une programmation. Ça, c'est votre gun. Votre gun, c'est votre programmation. Le calibre de votre balle, c'est encore lié à votre programmation parce que c'est lié au gun. Avec c'est un, je sais pas, moins un .50 puis un .22, ben ça tapera pas dans le mur de la même façon. Donc, selon votre programmation, vous avez un calibre, puis vous avez, avec votre double qui tient le gun, c'est le double qui tient le gun, une expertise qui se développe à force de tirer. Fait que plus vous tirez, plus le double, il sait quoi faire avec votre programmation, puis éventuellement, on l'espère, vous êtes précis, peu importe le calibre que vous avez. Beaucoup plus facile d'être précis avec un calibre 22 qu'avec un calibre 50. Calibre 50, je ne sais pas tirer encore avec ça, mais du 44 magnum, là, c'est dur sur le poignet. 50 balles avec ça, là, je te dis que le soir, là, tu fais pas d'effort pour aller jouer au bowling. Fait que c'est sûr que la dynamique d'une personne est fondée sur la capacité d'être le plus possible dans sa programmation pour avoir le plus de précision possible. Si vous sortez de votre programmation, si vous vous en allez sur des terrains que vous n'êtes pas fait pour, c'est comme vous avez une cible en face, là, puis vous essayez de tirer dans le mur à côté. Là. Vous allez vider 45 chargeurs, vous n'allez toujours pas atteindre qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis les forces qu'ils veulent, là, c'est que vous atteigniez la cible qui est en face de vous autres. Donc, ça revient à l'affaire que la certitude, c'est en fonction de la réalité. Tirer à côté, c'est du rêve. Tirer dans la cible, c'est de la réalité. Quand vous avez un impact sur votre environnement, c'est parce que vous êtes réel. J'emmène Gilles en avant, il est pas fait pour faire de la conférence. Tu m'emmènes dans les arbres, je suis pas fait pour faire les arbres. Fait que mon autorité dans les arbres, oublie ça. Je suis peut-être bon vendeur pour vendre bien des jobs de coupe d'arbres, mais les gars se plaindraient, disent, quand est-ce que tu vas le faire? Ben là, je suis pas prêt, j'ai peur un peu de monter dans les arbres. J'aurais pas l'autorité, OK? Au même titre que quelqu'un vient prendre ma place puis qui a pas l'habilité de parler comme je le fais depuis des années, ben il va avoir lui aussi un problème. T'sais, on peut le vendre, on peut faire la publicité dans le Journal de Montréal, on peut attirer peut-être 100 personnes dans la salle, mais il répondra pas à la demande. Parce que c'est pas dans son karma, c'est tout. C'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce que c'est pas dans son karma. Donc, si vous avez un karma et que vous restez dans les tests et dans les ressources et les avantages que vous avez dans votre karma, c'est possible que vous ayez un karma difficile, mais vous allez développer une certitude puis un point d'impact garanti. Quand on revient à la loi d'attraction, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Ultimement, là, on veut avoir la paix. Hein? On veut juste avoir la paix. Il y a bien des façons d'avoir la paix, mais l'état d'avoir de la paix, c'est commun à tout le monde. Quand est-ce qu'on a la paix? C'est quand on pense pas à ce qui nous fait douter. Quand on doute pas, on a la paix. Hein? Mais si on doute, peu importe la nature du doute, hey, quand tu doutes pas, t'as la paix. Fait que tout ce que vous faites pour régler du karma, qui est une façon de dire que vous vous dépolarisez, ben si vous vous dépolarisez, votre point d'impact, c'est d'avoir la paix. Si tu commences à vouloir des affaires qui ne te donneront pas la paix, c'est sûr qu'à ce moment-là, vous allez vous placer en situation de crise, puis vous allez étirer le temps de l'expérience, puis étirer la problématique d'être en équilibre ou d'être en guerre ou ci ou ça. Moi, je dis souvent aux gens, je dis, la vie, c'est la planète, là, c'est une guerre jusqu'à temps que tu puisses dire, si j'ai été jusqu'au bout, puis là, je m'arrête ça. Fait que ce que je veux faire comprendre, c'est que les forces dirigent votre attraction vers des besoins, donc un vide, quelque chose qui vous manque. Ils vous poussent tout le temps à vouloir combler un manque. Ensuite, ils vous donnent une architecture à travers les échanges que vous avez avec les gens. Ils vous placent des gens pour interférer positivement ou négativement. Les gens qui se présentent à vous pour être des éléments négatifs dans votre vie, ils sont là pour tester votre autorité. Puis ceux qui vous sont présentés pour les aspects positifs de votre vie, ils sont là pour votre expansion, puis l'expansion de votre intelligence principalement, donc les prises de conscience. Puis ils mêlent, dans ces mouvements-là, ils mêlent les gens négatifs et les gens positifs dans votre cirque, dans votre présentation de vie, pour que à des moments qui sont en alternance, pour que vous ayez une architecture qui est bien définie. Tu sais, les autres bâtissent des maisons, il faut tenir compte du froid dans certains pays, puis dans d'autres, de la chaleur. Bon, ben, selon où tu vas placer ton action, il y a des charges négatives qu'il faut que soient évaluées sur la base de la chaleur, puis d'autres qui soient évaluées sur la base du froid. Puis peut-être les deux dans des places tempérées. Puis peut-être les tremblements de terre pour d'autres, puis etc., etc., etc. C'est des charges négatives qui doivent être tenues compte en architecture. L'architecture doit penser à ça avant de bâtir, avant d'avoir la certitude qu'on le fait. Vous me suivez? Quand vous pensez loi d'attraction, puis vous pensez désir, vous pensez juste les choses positives, il vous arrive une bad luck de dire, ah, ben je l'ai eu, j'y ai pensé, je l'ai voulu, je l'ai eu, puis... Maudit que j'ai des problèmes avec ça. Ouais, mais t'as pas tenu compte dans ton architecture des aspects négatifs de la situation. Ouais, mais pouvais-tu le savoir? Ah! Fait que t'as attiré quelque chose pour te mettre en expérience. Pour que tu perfectionnes ton plan. Pour que tu perfectionnes ta pensée. Pour que tu perfectionnes aussi ta mise en vibration. Peut-être que t'as mis trop de sucre dans ton gâteau. t'as mis trop de pâte, t'as mis trop de ci, trop de ça. Alors, recommence. Revibre ton affaire, puis change ton architecture. Puis éventuellement, tu vas avoir une certitude avec un point d'impact qui ne sera pas corrigé à l'infini. Qu'est-ce qui fait que la personne veut absolument que ça se passe selon son jeu? C'est quand t'es pas sûr, une des grandes phobies, c'est d'être influencé par l'extérieur. C'est quand t'es pas sûr, tu te dis, il manque quelque chose. Tu sais qu'il te manque quelque chose. Tu sais pas qu'est-ce qui te manque, mais tu sais qu'il te manque quelque chose. Puis tu voudrais surtout pas que quelqu'un te dise, il te manque ça. Parce que s'il dit, il te manque ça, c'est comme, t'es pas assez intelligent, t'as pas assez la pensée ajustée pour te corriger de façon autonome. Qu'est-ce qui se passe quand un individu est sur le contact? Quand il est sur le contact, il sait que c'est pas lui qui pense. Fait qu'il soit placé dans des zones de test négatifs ou qu'il soit placé dans des mouvements expansifs positifs, il est toujours pas le produit responsable de la situation. Il est simplement le véhicule que les forces se servent pour engendrer un impact où la certitude est basée sur la bonne lecture de ce que les forces y font vivre. Un méchant shortcut. Fait que ça va vite. Ça va vite à la certitude. Ça va vite parce que peu importe le point d'impact, le gars, il sait, dans sa lecture, que les forces peuvent se servir de lui dans l'impact, pas pour nourrir ses ambitions personnelles, mais pour échanger avec son environnement puis perfectionner son environnement, peut-être à son insu, c'est possible, mais jamais en doutant de ce qu'il est ou de ce qu'il fait avec les autres. Ce qui est mon cas. Puis quand c'est rendu fort, la mise en vibration, ils te donnent la finale, l'architecture finale. Ils te font voir les ingrédients qui font que telle chose se passe. Je vais vous faire comprendre, c'est que à un moment donné, je vibre un inconfort négatif. Il m'explique pourquoi, il disparaît, c'est pas papa, je m'en crisse, à un moment donné, tu sais, 14, c'est assez, là. Puis là, à un moment donné, je suis sur le bord d'un acte, là, il me dirige mon acte, il m'architecture mon acte pour que ça soit intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas conscient, vous allez avoir une direction de la mise en vibration selon des valeurs morales, sociales, organisées par une structure sociale. Si vous êtes mis en vibration et que vous avez une lecture psychique, donc qui vient des forces, que vous savez que c'est pas vous autres qui pensent, et que vous savez que les forces font des choses parfaitement, en utilisant les forces négatives et positives, là, vous allez comprendre que quand vous allez arriver à l'impact, là, quand vous allez arriver à l'affaire d'être sûr, ils vont toujours vous placer ça pour que ça reste intelligent, socialement, organisationnellement, ces choses-là. Donc, vous pouvez penser ce que vous voulez. Tu peux penser tuer ton voisin. Ils te le feront pas faire si c'est pas dans ton plan de vie. Puis si t'es un gars dans la gaffe, t'es déjà, depuis ton enfance, là-dedans. Puis dans la gaffe, tu sais pas comme tu veux, là. Faut que t'ailles une commande pour le faire, là. Parce que sinon, ils zappent aussi, là. Comprenez-vous? Tout est organisé. Tous les plans organisent tout. Donc, vos pensées n'ont pas d'importance. Votre mise en vibration n'a pas d'importance, mais c'est important d'apprendre à étudier qu'est-ce que ça vous fait vivre, la pensée. T'sais? Fait que, ils vous apprennent toutes sortes d'expériences si vous êtes capable de laisser la pensée descendre, puis juste étudier qu'est-ce que vous vibrez. Tu vibres quoi quand t'as faim? Tu vibres quoi quand t'as trop mangé? Il y en a qui vont dire « j'ai le goût de vomir ». Mais quand t'as pas assez mangé, tu vibres quoi? Quand tu travailles trop, tu vibres quoi? Quand t'as pas de travail, tu vibres quoi? Tu sais, un gars qui veut travailler, puis qui travaille pas, puis un gars qui veut pas travailler, qui travaille pas, c'est le même événement, mais ça se passe pas pareil. Il y en a un qui dit « hey, je suis content de pas travailler ». Puis j'ai pas d'ouvrage, fait que j'ai pas à me sentir coupable de pas travailler. Puis l'autre, lui, il veut travailler, puis il voit des gars qui ont des jobs, puis qui veulent pas travailler. Donne-moi ta job. Non, je te la donne pas. J'ai pas le goût de la faire, mais j'ai besoin d'une paye. Puis là, dis-moi, je veux travailler. Les deux qui travaillent pas, il y en a un qui veut, puis l'autre qui veut pas. Ils vivent pas les mêmes affaires. Ils attirent pas les mêmes affaires dans les points d'impact. C'est bien important comment vous vous sentez, le comment vous vibrez les choses. Parce que les forces, eux autres, ils vous placent dans l'architecture de votre karma, là. Puis il vous amène à des états. Au début, c'est pas de la certitude, évidemment, vous êtes polarisé, c'est du doute. Puis là, il vous emmène dans des jeux de questionnement. C'est ça que j'ai en consultation, des gens qui se questionnent. Et qui se questionnent parce qu'ils ont vibré quelque chose, puis ils pensent d'une certaine façon. Puis quand ils arrivent dans le point d'impact, s'ils ont une architecture qui est trop serrée ou trop polluée pour être capable d'avoir une certitude, ben moi, je lui change juste la façon de lire, de voir les choses. Puis dans la nouvelle façon de lire les choses, il y a une énergie qui circule, puis là, oups, ils se sentent mieux. Ils peuvent pas dire que tout de suite, ils sont sûrs, des fois, oui, mais disons, ils se sentent mieux, puis là, il y a d'autres événements qui se placent parce qu'ils ont ouvert leur mental à une autre façon de faire les choses, puis à une autre façon de percevoir les choses, puis là, la certitude décolle. Puis là, curieusement, les énergies très, très négatives qu'il y avait, là, puis la haine, la colère, la rage, l'envie, la jalousie, les mythes, ça se dissout. Parce que quand tu es sûr, tu fais pas les choses selon les autres, tu les fais selon toi. Quand tu n'es pas sûr, tu es toujours en comparaison, tu es toujours en train de mesurer avec un environnement pour savoir si tu es correct, pas correct, correct. Puis là, quand toi, tu es tanné de faire le tour du correct, pas correct, là, tu commences à dire, lui, il est pas correct. Puis il commence à être mieux, donc il est plus correct. Alors que ça répond pas nécessairement à ta programmation. Il a simplement été redirigé, lui, dans son karma, à une autre fonction, un autre job. Il était venu au monde t'écœurer, il a réussi, puis là, ben, sa job est faite, il s'en va écœurer un autre. Puis toi, tu bénéficies d'une détente. Pourtant, ça part juste d'une chose. Tu vibres, puis c'est dans la pensée que ça commence soit à être direct à l'action ou que ça se dualise. Tu sais, que tu tombes dans un bien, mal, vrai, faux, correct, pas correct. Puis c'est tout là le travail dans l'affaire de la loi de l'attraction, le travail pour l'être humain, c'est d'identifier sa pensée. Il n'y a pas vraiment le contrôle sur sa pensée, parce que quand tu es mis en vibration, ça va aller, comment je dirais ça, si on parle d'un canal, c'est comme si votre programmation, c'était du créosote dans le tuyau. Si vous avez une cheminée, là, et puis... il y a le feu, puis le feu, lui, à un moment donné, il met de la créosote, il y a de la mémoire, ça crée certains vices de construction à un moment donné. Et puis, là, vous avez de la pensée. La pensée, ça demande d'être ramonnée régulièrement pour laisser passer la vibration le plus facilement possible. Puis la meilleure façon de ramonner la pensée, c'est de savoir en partant que c'est pas toi qui penses. Si tu penses que tu penses, là, tu vois du créosote, c'est à l'infini dans le coco. Mais si tu sais, si tu constates que c'est pas toi qui penses, que tu sais que t'es canal, ben là, tu vas pouvoir laisser travailler le feu selon l'architecture de ta cheminée. Puis avec la job que ça a à faire, écoute, il y a des poêles à granules qui chauffent d'une façon, des poêles à combustion lente qui brûlent d'une autre façon, t'as des poêles 6 millibois gaz propane qui te donnent une imitation de flamme pour pas avoir à ramasser de cendre, puis en tout cas, t'as toutes sortes de façons de faire chauffer un foyer, là. Fait que c'est des karmas différents. Mais la mise en vibration ou l'objectif d'être bien devant le foyer est toujours le même, ou d'être chauffé, ou d'être réchauffé. Avec ça, ces éléments-là qui mènent à la certitude, c'est ce qui donne le point d'impact. Et je vais vous dire quelque chose. Le miracle de la vie, c'est que quand tu es sûr, tu as toujours les ressources qui se présentent à toi pour faire ce que tu as à faire. Si tu veux faire quelque chose dans la vie, puis que tu peux pas faire quelque chose dans la vie, c'est parce qu'il n'y a pas assez de certitude. Il n'y a pas assez d'autorité pour l'intelligence que ça propose. Tu sais, il faut un certain degré d'organisation pour faire des choses. Tu peux pas organiser un party selon ton goût. Tu organises un party selon une organisation de gens qui pensent puis qui veulent penser dans une direction donnée. Vous me suivez? Fait qu'il faut cette fameuse direction. Et cette direction, des fois, elle est basée sur du désir, elle n'est pas basée sur un besoin. Et puis, fait que c'est sûr que le phénomène de la loi d'attraction, c'est un phénomène qui est vécu, en tout cas véhiculé dans les livres, comme étant sous le contrôle du jeu. Moi, je vous le dis, c'est sous le contrôle de votre karma. C'est selon votre programmation karmique que vous êtes en lien ou dirigé vers quelque chose. OK? Et puis, tout ce que vous avez besoin de voir dans votre vie, c'est... vous avez juste besoin de savoir que travailler, structurer sa vie, c'est baser sa certitude. Que tout ce qui est du doute, ça vous demande de passer à l'étude. Vous avez un doute dans une compétence, mettez-vous à l'étude, parce que vous êtes en train de perdre pied sa certitude. Ça veut dire qu'il y a des éléments là dans votre programmation où il y a des événements dans l'évolution sociale qui vous demandent à être recyclés. Regardez, là, on rentre avec Pluton en Capricorne là en novembre. Ça a commencé l'année passée. Ça a occasionné une grosse crise dans les systèmes hypothécaires américains. Puis ça a dégénéré jusqu'à une crise des banques. Pluton en Capricorne, c'est 18 ans de crise de système. Dans 18 ans, le capitalisme ne sera plus comme on le connaît. Ça va être très, très, très différent. Et comme c'est en Capricorne, ça va être... Vous avez vu la nouvelle mode d'un restaurant? C'est zen. Et on dirait qu'ils enlèvent toutes les babioles, là, c'est-tu. C'est supposé être plus riche, mais c'est bien, bien délabré, là, tu sais, dans le sens que... C'est zen. Fait que les gens qui aiment ça, là, bien habité, là, bien du gros confort crasse, là, c'est pas tellement une nouvelle tendance. Ça, c'est les jeunes qui amènent ça. Puis qu'est-ce que les jeunes, ils veulent aujourd'hui? Ils veulent pas avoir les capitales en finir. Non, ils veulent un mode de vie. Typique au Capricorne. Ça fait que c'est pas des gros travailleurs, ça. Ça fait des gens que quand tu n'en sais, bon, ils vont être du boss. Ça fait que c'est une autre façon de gérer, parce que tu peux pas les acheter. Tu dis, écoute, on te donnait 3 piastres de plus, ta paye à l'heure. Pas plus grand. Je vais me rendre plus vite à 1000 piastres par semaine que j'ai besoin, puis ça va me donner une journée de plus pour aller prendre des vacances, relaxer. Okay. C'est pas mauvais. Mais c'est sûr que les forces descendant de plus en plus à la planète, on s'en va vers une sorte d'uniformité de l'utilisation des ressources. Ça s'en va vers ça. Et puis que la grosse course à plus fort, meilleur, puis être en avant d'eux, ça va changer. On a eu une mentalité de plus. Puis là, on va tomber avec Pluton Capricorne à quelque chose de plus modéré, plus approprié. Pourquoi s'acheter quelque chose qui s'use en 2 semaines quand telle affaire un petit peu plus épais mais moins esthétique permet de durer 2 ans? Tu sais? En gros, c'est ça. C'est là-dedans qu'on s'en va. Ça va se refléter dans la façon que les gens travaillent, ça va se refléter dans la façon dont les gens consomment. Les gens vont acheter plus de qualité pour la durabilité. Ils vont acheter moins de Walmart, ils vont acheter moins de patentes là, jetées après usage. Tu sais? Ça va être plus axé sur la durabilité. C'est typique au Capricorne. Les gens vont attendre plus longtemps pour changer leurs autos. Ils vont s'enligner vers quelque chose où la volonté d'être bien repose sur le moins travaillé. C'est ça qui va se passer dans les prochaines années. Le crédit va être plus difficile. Puis ceux qui ont déjà une vie difficile avec le crédit, ils vont être obligés, eux autres, d'endurer leurs affaires plus longtemps, puis d'acheter de l'usager, puis tout le kit. Puis ceux qui ont du crédit facile, ils vont dire, ben, si je gagne un année de plus, m'a sauvé 10 000 piastres, m'a sauvé ci, m'a sauvé ça, tu sais. Fait que, quand on regarde la loi d'attraction, on regarde quelque chose qui vibre, qui pense, puis qui a un impact. Mais ça varie beaucoup selon la culture dans laquelle tu es. Tu sais, une culture de gens, comme là, on était en Sagittaire, c'est très expansif. Fait qu'on avait, ça a été 18 ans d'expansion dans l'internationalisation. Sagittaire, c'est entre les pays, là. Fait que toute l'internationalisation, le commerce international, ça s'est forgé avec Pluton Sagittaire. Pluton Capricorne va resserrer les mouvements de frontières, mais pas resserrer dans le sens de loi, mais en sens de consommation. C'est la consommation des pays qui va être plus culturelle. T'sais, même l'Américain va consommer moins. Donc, la Chine va perdre bien de la force à cause de ça. Parce que, tu sais, la Chine est aussi forte qu'elle exporte. Hein? Si elle exporte pas, la Chine, c'est juste la Chine. T'sais. Fait qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'ajustements là-dedans. Comme je vous dis, vous vibrez tout le temps en fonction d'une architecture. C'est bien important, l'architecture. L'architecture, c'est votre mode de pensée. C'est votre mode de vie qui est collé à l'architecture. Fait que votre mode de vie, c'est une combinaison de ce que vous êtes karmiquement et de ce que la société vous fournit comme ressources ou comme... tu sais, je dis, avoir un karma au Québec puis avoir un karma en Iran, là, pour la même date de naissance, à la même heure, ça donne pas la même résultante. Ça va être des expériences similaires, mais ça se vivra pas avec la même architecture. C'est un petit peu ça que ça met en relief. C'est en fonction de ton karma. Oui. Et du mode de vie que la structure, la culture sociale te donne. C'est une combinaison. Un être humain vient sur la planète pour échanger. C'est essentiellement ça. Tu viens au monde, tu sais, quand les gens disent, c'est quoi ma raison de vivre? La raison de vivre, c'est qu'il faut que tu échanges. Même si tu échanges avec une personne toute ta vie, il faut qu'il y ait un échange qui se crée. Puis, le karma de l'échange, ben, t'as soit le grain serré, ou t'as le gros grain, peu importe. Tu sais, il y en a comme moi qui l'échange, je vis de l'échange, je carbure à l'échange, mon karma est basé sur l'échange. Il y en a d'autres, les autres, ça échange moins, mais de toute façon, ils sont obligés d'échanger. Et ça, ça dépend aussi, évidemment, d'un environnement. Fait que dans ton karma, dans ta programmation, il y a un type de personne que tu vas rencontrer. Il y a un genre de personne que tu vas avoir à supporter. Moi, par nature, je supporte les gens qui sont en crise, tu sais, des grosses crises. Quand c'est pas une grosse crise, je supporte pas, je regarde, j'observe, j'informe. Mais quand les gens sont en grosse crise, je me place en situation de sauveur, si tu veux. Fait que j'ai un karma, si tu veux, qui est, on va dire, étiqueté sauveur. Mais même si je veux pas être sauveur, je vais faire ça pareil. Tu sais, moi, ça fait... Ça fait au moins 10-15 ans que je ne peux sauver personne, puis je me retrouve tout le temps dans des situations pour aider du monde. Puis quand j'essaie de faire une vie là, pas sauver personne, la vie me ramène tout le temps à sauver quelqu'un. C'est mon karma. Donc, j'ai une architecture mentale qui me fait rencontrer du monde qui demande ça. Puis l'arrogance du problème, c'est que les gens sont sûrs que je vais les sauver. Puis ils n'ont pas tort, j'ai les outils pour le faire. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Et comment tu peux faire une architecture de sauveur qui rencontre... Puis dès que je réponds à un besoin, l'autre peut répondre à mes besoins ou à un de mes besoins, puis on s'équilibre. J'ai jamais vu quelqu'un vivre sa vie tout seul. Non. Pas capable. Personne. Parce que face à un doute, à un certain moment donné, tu as besoin d'un autre ingrédient.